Piste 6. 5. A. 1. La réservation est au nom de... Madame Évrard. Vous pouvez épeler, s'il vous plaît ? Bien sûr, E-V-R-A-R-D. E-V-R-A-R-D. Merci, madame. 2. Vous avez réservé à quel nom, s'il vous plaît ? Au nom de Monsieur et Madame Jaffré. Ça s'écrit comment ? Ah oui, J-A-2-F-R-E, accent aigu. J-A-2-F-R-E, accent aigu. Très bien, merci. 3. Il me reste une chambre de libre. Votre nom, s'il vous plaît ? Monsieur Maubousse. Vous pouvez épeler, s'il vous plaît ? Oui, M-O-B-O-U-2-S. M-O-B-O-U-2-S. Merci, monsieur. 4. Vous réservez à quel nom, s'il vous plaît ? Au nom de Mademoiselle Serrano. Ça s'écrit comment ? Ça s'écrit S-E-2-R-A-N-O. S-E-2-R-A-N-O. Parfait. Merci, mademoiselle.